Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charlie. Bon, on reçoit Christophe Galfard. Super. Alors, est-ce que quelqu'un s'y connaît en sciences? En sciences. En sciences. Alors, l'astrophysique, par exemple. Ah, moi, je m'y connais bien en astrologie. Il est quel signe, Christophe Galfard? Écoute, il est bélier, mais enfin, je peux t'assurer qu'il ne croit pas en l'astrologie. Eh bien, voilà, ça, c'est typique des béliers. Ces gens ne croient pas en l'astrologie. Ah, quoi? Et d'ailleurs, vous avez appelé Guillaume hier. Non, pourquoi? C'était son anniversaire. Tu oublies. Et il est gémeaux. Ah, bah, ça, ça m'étonne pas. Tu vois, il a tout d'un gémeaux, Guillaume. Ah, bon, ah, ouais, attends, il est né à 14 juin, c'est comme Che Guevara. Ah bah c'est étonnant, voilà, c'est comme par hasard. Regarde un peu qui l'autre est né un 14 juin. Ah, Gisèle Casadesus, 101 ans hier. Ça veut dire qu'on n'est pas encore débarrassé de Guillaume. Enfin, il pourrait lui arriver quelque chose pendant un reportage. C'est pas faux, Gisèle Casadesus, personne lui en veut, alors que l'autre... Ah, il y a Boy George aussi. Boy George? Ah bah ça, je l'ai toujours dit. Mais non. Tu crois que Guillaume, il... T'as voilé à vapeur, hein, ça, c'était très gémeaux, ça. Mais tu t'y connais vachement, toi. Oui, j'ai quelques notions. Toi, tu dois être cancer, d'ailleurs. Ah, non. Non, pardon, t'es poisson. Raté, Sagittaire. Eh ben, c'est fou, parce que tu as toutes les caractéristiques d'un Sagittaire. Bon, Nostradamus, ça suffit maintenant, hein. Bah, quoi? Coucou, ça fait 10 minutes qu'on parle d'astrologie, alors qu'à 17h, on reçoit un astrophysicien et qu'on a encore aucun sujet, voilà. Comment tu t'énerves? Toi, t'es un signe de feu. Oui, toi. Bah, je suis Capricorne, et je décide qu'on cherche les sujets, puis après, c'est tout. Vous voyez, les filles, ça, c'est typique d'un Capricorne. Ouais, mais ascendant casse-couille. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui impose l'actualité à coup de 49.3. Et voici les trois informations pour lesquelles personne ne devra donc voter jusqu'à 18h. Résultat des municipales partielles à Puteau, la ville reste aux mains des Secaldi Reynaud pour la 46e année consécutive. Il faut dire que cette année encore, les putéoliens ont reçu un joli aspirateur pour les aider à faire leur choix démocratique, ainsi qu'une cocotte minute, un mixeur Moulinex et... Et nous vous offrons également un classeur de pins TF1 que vous pouvez aussi gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou par téléphone au 36 65 90 00. Philae s'est réveillé sur Tchouri. C'est ce qui arrive quand on a trop bu la veille. Oxo, la terre. Oxo, la terre. La terre, Oxo. C'est Philae, c'est mignon. Apprendre la musique aux enfants, voilà qu'en Suisse, c'est gravé dans la Constitution. Cela profite à la compétitivité. Ah ça, écoutez, ça boîte de la musique, ça reste la Suisse. Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile. Des zones artistes capables de Schubert. De Schubert. Et pour piloter ces trois informations, je suis accompagnée de celui qui ne prépare jamais de plan de vol. Avec lui, t'as voulu voir Honfleur et on a vu Vesoul, Alex Vizorek. Oui, mais je n'ai pas besoin d'antidépresseur non plus. Bonjour Charline Vanhoenacker. Alors autour de la table à 17h20, il y a les sportifs. Il y a les sportifs du dimanche, il y a même les sportifs de chambre. Eh bien lui, ce n'est rien de tout ça, comme me l'ont confirmé son entraîneur, son curé et sa compagne. Lui, c'est mieux que ça, c'est un sportif de plume. Bonjour Samir Bouadi. Ah, quel accueil, c'est gentil, t'es gentil. Pour une fois, t'es sympa. Oui, hein. Bonjour Charline, bonjour les copains. Vous avez écrit alors aujourd'hui. On va faire un petit bilan de la saison, qui était une très très belle saison, en trahison et autres gestes platiniens. En sport ou en foot? Les deux, tout, les un vrai bilan. Très bien, à 17h30, il a gagné un an hier. Et quand on est aussi jeune dans sa tête que lui, un an, c'est énorme. Celui qui gagne en âge, ce qu'il perd en maturité, notre sale gamin. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis rendu ce matin à l'inauguration du salon de l'aéronautique au Bourget. J'ai même posé des questions à François Hollande. Quoi? Vous posez cette question? Ah, et lui il m'en a posé également en retour. Et enfin, 17h40, celle qui... À mon grand dame pourrait tomber amoureuse d'un contrôleur SNCF, car ce serait la seule personne qui pourrait lui apprendre quelque chose, par exemple lire un billet de train. Bonjour Clara Dupont-Monod. Oui. Bonjour Alex. De quoi on parle? Alors comme c'était l'anniversaire de Guillaume Meurice hier, grosse actu hein, avec dépêche d'AFP et tout enfin, ça, oui. On va parler d'un livre qui s'appelle Les Affalés. Ah mais ça lui va bien. Encore tiré par les cheveux le lien. Allez, nous sommes présents dans le cosmos des réseaux sociaux, Twitter et Facebook, mais surtout chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes même un référent de l'univers. Vous êtes né sous Giscard. Vous intégrez Centrale en 96, c'est l'année où la France procède à son dernier essai nucléaire. Vous devenez docteur en physique théorique de l'université de Cambridge en 2006. quand Michel Platini est satellisé président de l'UEFA. Vous publiez le premier tome de la trilogie Le Prince des Nuages en 2009, l'année où disparaît le prince de la poudre, Michael Jackson. Vous êtes... Vous voulez que je vous dise mon nom ? Eh oui. Je m'en souviens, c'est oui, extraordinaire. Christophe Galfard. C'est vous ? Oui, c'est vous. Mais non, c'est vrai, vous ? C'est le vrai. Allez, c'est parti. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Ça me rassure que ce soit vous, parce que vous allez pouvoir m'expliquer des choses dans votre vie. Christophe Galfard, vous publiez L'univers à portée de main chez Flammarion. L'univers à portée de main, ce qui est absolument ambitieux quand même, comme titre. Modeste surtout. Oui, oui, oui, c'est vrai. Vous êtes connu pour être le Mozart de la vulgarisation scientifique. Alors, j'ai lu que vous aviez pris des cours de théâtre pour mieux capter le public. Je me suis dit, est-ce que la mise en scène au service de la connaissance, c'est vraiment devenu indispensable ? Et est-ce que c'est aussi un peu une méthode anglo-saxonne, tiens ? Bah, peut-être au-delà de la mise en scène, si on n'arrive pas à parler, c'est compliqué de parler. Du coup, je vous donne un exemple. Enfin, la raison pour laquelle je me suis mis à prendre des cours de théâtre, c'est que lorsque j'étais en Angleterre, je faisais ma thèse avec un grand astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking, à qui on avait demandé à un moment pour la BBC de répondre à des questions sur les trous noirs. Il ne pouvait pas, il l'a renvoyé vers un professeur américain tout aussi illustre, qui ne pouvait pas, qui a renvoyé vers moi. Bon. Donc je me suis dit, d'accord, je vais le faire. J'avais rendez-vous à minuit, BBC Radio 5 Live, donc c'est en direct, à minuit. Il y a peut-être 2 ou 3 millions de personnes qui écoutent, je n'avais jamais parlé en public. Et je me retrouve chez moi à attendre que le téléphone sonne à partir de 18h. J'ai attendu oui, presque 6h à faire des allers-retours dans mon salon jusqu'à ce que le téléphone sonne et absolument aucune introduction, directement en direct. C'est quoi un trou noir, docteur Galfard ? Et là, je commence à faire une phrase, j'oublie de respirer. Au bout d'à peu près 40 secondes en direct, toujours je suis... comme ça, et j'ai failli tomber dans mon salon et ils ont arrêté l'émission et ils se sont dit, je comprenais déjà rien au trou noir avant, là c'est encore pire. Je me suis dit que vous si je voulais communiquer, il fallait que j'apprenne. Vous avez vous fait de tomber dans un trou noir en fait. Vous avez fait de nombreux progrès depuis, parce que dans votre ouvrage, L'univers à portée de main, il y a même des formules lapidaires, mais qui donnent évidemment envie d'aller plus loin et de comprendre les choses. Par exemple, j'ai ouvert le chapitre sur la radioactivité et je lis cette phrase qui donne envie évidemment de tenir le chapitre jusqu'au bout. La radioactivité peut vous tuer, mais sans elle, vous n'auriez probablement jamais vu le jour. Exact. Il y a aussi dans l'écriture une forme de... Ah oui, il faut aussi être le plus concis possible, c'est comme ça qu'on arrive à vulgariser. Alors, concis, je ne sais pas. L'univers, et de le mettre à portée de main, comme le titre de votre concis, je ne sais pas, mais en tout cas, raconter une histoire. Je trouve ça extrêmement important de raconter une histoire. C'est un petit peu comme ça que j'ai vécu la science, moi aussi, pendant que je faisais ma thèse, etc. C'est-à-dire que la science, d'une certaine manière, c'est l'histoire qu'on se raconte de notre réalité et de notre univers aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette histoire était différente il y a 100 ans, elle sera différente dans 100 ans. Aujourd'hui, ce qui caractérise notre époque, d'une certaine manière, c'est ce qu'on sait de notre univers. Ce que nous ont donné nos ancêtres, ce que font les chercheurs aujourd'hui. Je trouve que c'est assez joli de caractériser notre époque par le savoir qu'on a. Et cette histoire-là, ce savoir-là, peut être raconté oui, en tant que comme une histoire. Alors, de toute façon, vous mentez, parce que moi j'ai lu un livre où il est raconté que c'est un petit bonhomme qui a créé le monde en 6 jours. Et donc, c'est pas du tout ce qu'il y a dans votre bouquin. Alors dans le chapitre sur le soleil par exemple, vous expliquez « Si l'humanité pouvait récolter toute l'énergie que le soleil produit en une seconde, cela suffirait à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux actuels pendant environ un demi-milliard d'années. » Donc les solutions définitives, elles sont dans l'univers, mais alors vous prétendez qu'il est à portée de main, mais ces solutions définitives, elles ne sont pas à portée de main et pourtant elles seraient... Alors, incroyable. Pour le soleil, j'imagine que ça peut en faire baver plus d'un de savoir ça. Maintenant, c'est pas évident de récolter toute cette énergie-là, évidemment. Mais notre univers est plein de surprises partout, et il est surtout d'une violence extrême. Nous, on est quand même plutôt bien sur notre Terre. Donc aller voyager dans l'univers, c'est un peu comme prendre sa barque, être Christophe Colomb et tout ça, et partir dans un océan dont on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pour le Soleil, sa puissance, on la connaît, oui. Ce qui est compliqué, c'est la technologie pour récolter éventuellement cette énergie-là. Mais de l'énergie, ça existe. C'est une fabuleuse source d'espoir, je trouve, l'univers qui nous entoure, malgré sa puissance, malgré sa violence. Vous dites espoir, mais ça fait peur aux gens quand on parle d'univers, parce qu'on a l'impression de ne pas matérialiser les choses. Bah justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais je me doute. Non, mais les films comme Gravity, est-ce que ça vous rend service ou est-ce qu'au contraire ça dessert votre cause ? Parce qu'il n'y a pas plus angoissant en parlant d'univers que Gravity, par exemple. C'est vrai. Et Masters and Commanders, je sais pas si vous avez vu ce film avec... Non, ça je l'ai pas vu. Avec Russell Crowe qui est chef de navire et qui brave des tempêtes, ça peut faire peur à tout le monde aussi. Ce qui veut pas dire qu'il y en a pas certains qui y vont. Tout le monde va pas partir demain dans l'espace. Moi, par exemple, je préfère rester sur Terre. Mais justement, on a un truc à vous raconter, c'est fini, il faut partir maintenant. Voilà. L'univers à portée de main, c'est publié chez Flammarion, c'est disponible depuis le 3 juin, c'est tout frais, en tout cas dans son version française. On en parlera tout à l'heure parce que vous avez écrit en anglais directement, si j'ai bien compris. Et l'univers à portée de main, ce seront aussi des chroniques cet été sur France Inter, tous les dimanches, à 8h53. Vous allez mettre à profit vos cours de théâtre, Christophe Galfard. Vous êtes avec nous jusqu'à 18h sur France Inter. Avec Françoise Hardy sur France Inter à 17h20. Et autour de la table, Clara Dupont-Menot, Samir Boisdi et Guillaume Meurice qui a rencontré le président. On entendra ça dans une quinzaine de minutes. Et notre invité, c'est Christophe Galfard qui a pris des cours de théâtre pour mieux expliquer l'univers et qui conseille aux frères Bogdanov de prendre des cours d'astrophysique pour mieux expliquer l'univers aussi. Voilà, donc ça s'est fait, Alex, consommativement actualité. Et avant de finir au tribunal devant la 17e chambre correctionnelle pour diffamation, on passe les infos à l'essoreuse. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Lui, c'est le raisonnable, elle, c'est la colérique. C'est juste faux. Lui, c'est le modéré, elle, c'est l'excessive. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. C'est juste faux, vous l'aurez noté. Et on commence par François Hollande. Oui, ce matin, il a inauguré le Salon du Bourget. Il a donc tenu à saluer. Mesdames, messieurs, je voulais saisir l'occasion qui m'était donnée dans la visite de ce Salon du Bourget pour saluer le spatial. Coucou le spatial. Notons qu'il était samedi soir à la finale du top 14 de rugby et à la mi-temps, on lui a demandé pourquoi l'après-midi même, il s'était rendu aux 24 heures du Mans. Il y a beaucoup de technologies françaises parmi les voitures qui sont sur le circuit en ce moment même et je voulais les saluer. Coucou l'industrie automobile. Voilà, Hollande, il salue tout, des gens, des concepts, mais surtout, il salue des choses. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. C'est un moyen de transport que je salue. Coucou le train ! Merci donc à la rhétorique de François Hollande, que je salue. D'ailleurs, aux 24 heures du Mans, François Hollande n'a pas reconnu la star de la série américaine Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Face à cet affront, l'acteur aurait répondu « Moi non plus, sans votre casque, je vous ai pas reconnu ». François Hollande qui est aujourd'hui en visite éclair à Alger, où il doit rencontrer Abdelaziz Bouteflika dans sa résidence médicalisée de Zeralda. Après une visite à Fidel Castro et à Abdelaziz Bouteflika, François Hollande réserve son prochain voyage à Robert Mugabe, dictateur et âgé de 89 ans. Mugabe remplit toutes les conditions pour une rencontre historique afin de dessiner l'avenir. C'est pas idiot comme procédé, hein. Côté d'eux, il a l'air d'un jeune président moderne et dynamique. On passe à Manuel Valls qui est en visite à Mayotte ce week-end. Rappelons que grâce à Mayotte, la France peut se prévaloir d'un bidonville et ainsi demeurer dans le cercle fermé des grandes nations en voie de développement telles le Brésil. Manuel Valls toujours. Oui, dans l'Express, on apprend qu'il est coutumier des engueulades et des envolées lyriques. Oui, et comme toute la presse, l'Express met ses embardés sur le compte de ses origines catalanes. C'est ridicule, c'est comme si on nous disait qu'on faisait des blagues parce qu'on est belge. C'est pas faux, mais ça tombe mal parce que j'ai une info. Je vous donne le titre, quand des supporters belges se trompent de destination. C'était vendredi, ils partaient entre amis voir Pays de Galles Belgique à Cardiff et dans leur GPS, ils ont tapé Wales, donc Pays de Galles en anglais, sauf que Wales, c'est aussi une ville qui se trouve dans le South Yorkshire, à plus de 300 km de Cardiff, ils n'ont pas vu le match. Vous savez quoi si Manuel Valls a des envolées lyriques, c'est sans doute parce qu'il est catalan. Voilà, et ben moi je pense aussi ça. Et on termine par une info actualisique. Sachez que lors d'un concert en Suède, le chanteur des Foo Fighters, Dave Grohl, s'est cassé la jambe sur scène et il a poursuivi son concert. Tandis que lors de nombreux concerts en France, Pascal Obispo nous casse les pieds, mais il poursuit ses concerts. Jusqu'à 18h. Pascal Obispo, que je salue. Oui, François Hollande, c'est un petit peu le Michel Drucker de la politique. Voilà. Hein, on salue les Lumières, on salue l'industrie automobile. Hein, tout le monde est là, que je salue. Notre invité, Christophe Calfart, que l'on salue. L'univers, qu'on salue. L'univers à portée de main, publié chez Flammarion. Et avec vous, on met l'actualité dans la prise qu'on salue, parce que elle nous donne l'électricité, on est très contents. Premier sujet, au terme du premier tour de la municipale partielle à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, Joël Sekel-Direno a été conduite directement à la tête de la mairie. Première victoire des Républicains, première magouille républicaine. Mais allez, oh, la qualité de vie est tellement bonne à Puteaux. Il faut prendre la défense d'un Manhattan en Île-de-France et des fresques de la mairie aux folles frasques de l'industrie. Le vieux monde se fait nouveau. Voilà l'histoire de Puteaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il fait bon vivre à Puteaux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chef-d'œuvre. Alors, déjà, alors, je dois vous avouer que qu'elle vous explique. Oui, alors, je dois vous avouer que je me rappelle pas du nom et je pense qu'il vaut mieux le taire. Il essaye d'oublier. Ça fait partie de ma collection personnelle. Suite à un ami qui s'est marié à Puteaux. Ah ouais, carrément. Et chaque mariage à Puteaux, vous êtes gratifié de cette magnifique chanson et vous pouvez repartir avec le CD. Et donc, il m'a confié le. Bon, on va se marier chanson. À Puteaux, hein. Voilà. Voilà, ça donne envie de se marier à Puteaux. Bon, bref, Joël Sekel-Direno. Ah, c'est une perle. Joël Sekel-Direno a été réélu hier soir, dès le premier tour. Alors, aujourd'hui, en France, arroser ses concitoyens avec des aspirateurs et des cocottes minutes pour acheter des voix, ça fonctionne mieux que jamais. Est-ce que c'est pas cosmique comme méthode? Peut-être que si elle leur avait offert l'univers à portée de main, personne n'aurait voté pour elle. Ça, je ne sais pas. En tout cas, on la salue. Oui, ça, c'est... oui, effectivement. Mais c'est complètement rétrograde hein, comme cadeau, parce qu'à chaque rentrée scolaire, les écoliers ont un cartable, rose pour les filles et bleu pour les garçons. Ouais. Et les mamans sont à chaque fois gratifiées d'un cadeau pour la fête des mères. Enfin, vous êtes en 1950, quoi. Ah ben bah ça fait 46 ans que sauf ça marche. Sauf que ça fonctionne, mais ça marche. C'est ça le truc. Voilà. Je sais pas. Pourquoi l'opposition offre pas des cadeaux plus intéressants? Ouais. J'irais bien un moment si c'est la méthode. Moi, alors, du rose pour les garçons, du bleu pour les filles. 60% des gratte-ciels de la Défense sont sur le territoire de Puteaux et donc ça a été l'un des outils de financement occulte du RPR, un trésor qui a permis donc à la famille Sekel-Direno de régner sans partage depuis plus d'un demi-siècle. Vous avez déjà mis les pieds à Puteaux, Christophe Galfard? À la Défense. Oui. Et à Puteaux même, je veux dire, c'est... Non, pas c'est rue, c'est pas qu'à fleurs, c'est... pas récemment là. Non, pas récemment. Ça vous donne envie ou pas? Bah oui. Ah, bah non, mais, voilà. Vraiment, si vous étiez concitoyenne plutôt, vous savez comment ça marche. Vous savez, quand vous allez à plutôt, il y a des Porsche qui sortent des HLM. Hein. C'est assez mirifique comme endroit. C'est assez magique, oui. Est-ce que vous pourriez vivre, vous, là, ou bien ça vous rendrait dingue et votre éthique, je sais pas, votre éthique vous empêcherait de vivre là-bas? Oh, c'est... Vous me posez des drôles de questions. Oui, mais monsieur sait exactement ce qui se passe derrière Pluton, mais à Pluton, il n'y a aucune idée. Alors, il y a un moment... Non, mais je préfère quand il y a une sorte d'équilibre, quand même. Mais est-ce que ça vous choque qu'elle soit réélue à chaque fois? Parce que c'est le même syndrome aussi avec Balkany, à Levallois-Perret. C'est très souvent les hommes ou femmes politiques qui ont été à un moment, qui ont payé d'ailleurs pour ça, qui ont été accusés de choses un peu frauduleuses et qui, malgré ça, sont réélus. Ça vous choque ou pas? Bah c'est en admettant que les élections aient été normales, c'est quand même les gens qui ont voté. Après que les gens votent comme ça, que ce soit normal ou non, c'est... Oui, c'était la question de Thomas Legrand ce matin dans son édito dans le 7-9. C'est finalement, on dit toujours que les politiques sont tous pourris. Là, est-ce qu'il n'y a pas une partie des électeurs qui ou alors qu'il y a un peu trop facilement crédule Le jour où mon aspirateur se casse, j'irai faire une conférence. Oui, bon, voilà. Alors sachez, pour clore le débat, qu'il y a un article, notamment dans Libération, qui expliquait juste avant les élections, qu'il y a 10 ans, les petits vieux s'étaient vus remettre une batterie de cuisine complète parce que les cadeaux sont adaptés. Hein. Donc la ménagère de moins de 50 ans, c'est des aspirateurs. Les petits vieux, batteries de cuisine avec casserole, poêle à poisson et cuiseur. Il y avait eu plus de 20 000 pièces en tout dans une salle attenante au bureau de Madame le maire. Là, certains s'étaient plaints du revêtement des casseroles, poussant la municipalité à traîner le fabricant en justice. Bravo. Donc, il y a quand même des effets positifs. On parle quand même de politique. Enfin, c'est quand même ou de casseroles. Et là, c'est du casserole, on est en plein dedans. Samir Bouadi, vous parlez est-ce qu'il y a des casseroles? Il y en a plein, je vais en parler. Oui, il y en a plein, je vais faire un petit bilan. Faites un choix. Avec un bon revêtement. Avec hein. un bon revêtement. Ben non, chers amis, moi, je pense que là, on est en fin de saison, donc un petit bilan s'impose. Alors, pour faire un bilan, il faut de la méthode. Hein. On a un scientifique avec nous, il sait ce que c'est. Il faut être organisé, un peu comme Clara Dupont-Monod quand elle prépare une virée rigolote à Belfort. Hein. Merci, il faut hiérarchiser Samir, l'information, merci. Je t'en prie. Parler des choses importantes et surtout ne pas se perdre dans l'anecdotique ou le relatif. C'est lieu d'un truc très important, peut-être la chose la plus importante de la saison, c'est-à-dire la montée en Ligue 2 du Red Star. Alors, le Red Star, c'est quoi? Les copains. Le Red Star, c'est l'autre club de la capitale, celui des réprouvés, des décalés. En un mot, c'est le club, si tu veux, historique des ouvriers et des gens normaux. C'est pourquoi d'ailleurs notre président de la République en est le premier supporter, je blague pas. C'est vrai. On sait que Nicolas Sarkozy est supporter du PSG, on devine donc pourquoi François Hollande a choisi de se singulariser en affichant son soutien à l'étoile rouge. Mais et là, on va voir les matchs en tracteur. Ah oui, carrément. Pire que ça, je peux te dire. Alors, n'y voyez là aucune d'ailleurs référence à la couleur radicale d'un parti jadis puissant et qui a tenté bon nombre d'actuels socio-radicaux à l'époque des tracts en noir et blanc. Non, le Red Star s'appelle ainsi parce que Jules Rimet, le futur fondateur de la FIFA, en panne d'inspiration, a demandé à sa gouvernante anglaise, figurez-vous, de trouver un nom pour son club. C'est alors que Miss Jenny, elle s'appelait comme ça, a proposé de l'appeler le Red Star Club en référence à la compagnie maritime qui lui permettait de faire des allers-retours entre la France et l'Angleterre. Eh oui, la Red Star Line. Eh oui, on est en 1897 et à cette époque-là, mes amis, les gens normaux ont des gouvernantes avec ou sans dents. Bref, le Red Star, donc premier point important du bilan de cette année riche en Zlatanerie et autres bavures. Zlatan qui traitera notre pays de merde, ressemblant ainsi à la plupart d'entre nous qui savons ce que c'est que de prendre un métro aux heures de pointe. Zlatan et sa vision de la France, plutôt parcellaire s'il en est, qui doit à mon avis prendre souvent, mais très souvent le métro. Mais revenons au bilan de cette année. Bilan consanguin, puisque les frères Karabatic sont installés, à l'instant je vous parle même, face à la justice pour des histoires de paris truqués. Alors faut rester honnête, hein, rien n'est jugé pour l'instant. Et précisons qu'il n'y a pas que les Karabatic qui ont à répondre aujourd'hui de leurs actes présumés. Bref, le bilan est en suspens. Alors pour Sepp Blatter, ex-nouvellement réélu patron de la FIFA, là aussi bilan en suspens, bilan suspense, mais bilan prévisible pour cette FIFA au bilan prévisionnel astrophysique, mon cher Christophe Galfard. Cette année aura vu Platini tirer un coup franc splendide à la dernière minute d'un match qui n'en finissait pas de finir entre les deux patrons du foot mondial. Bilan à venir, Platini ira FIFA, ira pas FIFA, ira FIFA Platini. Et son sens du placement Platini, sa capacité à se faire oublier sur le terrain pour mieux flinguer à bout portant. Belle saison de sport donc, qui s'achèvera avec un Tour de France riche en bilan sanguin. Eh, que l'on s'y trompe pas, le sport c'est plus qu'un spectacle, c'est plus qu'un truc de gros sous et de magouille, c'est beaucoup plus que ça, c'est aussi la santé, mes copains. Mais à l'heure où les vieux veulent mourir le plus tard possible, le culte du corps est devenu l'occasion d'entretenir l'espoir. Le sport, c'est bon pour la santé. On vit mieux quand on fait du sport. On stocke moins de graisse. On stresse moins. On a meilleur teint. Les performances sexuelles sont d'ailleurs aussi améliorées. Mais j'en parlerai une prochaine fois. Puisque sur ce plateau, nous avons la chance d'avoir un athlète du cerveau qui a travaillé avec une sommité dont le corps l'a trahi. Il est bon de faire son propre bilan mental, de se poser les bonnes questions. Où en suis-je avec ce corps que je considère trop souvent comme l'habitacle de la conscience? Tout porte à croire que le corps et l'esprit font un, et il serait urgent qu'on s'accorde et qu'on accorde nos violons. Bref, il y a le bilan de l'année et l'année des bilans, et puisque Guillaume Meurice fête dignement depuis hier ses 34 ans. Aidons-le à se mettre au sport une bonne fois pour toutes, avant que son cerveau devenu surdimensionné à force de fomenter la prochaine grande révolution n'explose pour de bon en devenant une sorte de boule de haine. 34 ans, c'est l'année des bilans. Cher Guillaume, je te souhaite de continuer à nous inspirer. Tu es jeune, tu es beau, tu es brillant, et je sais que chez toi, et je sais que chez toi, l'indignation n'est pas une posture. Tiens, en parlant de posture, je vais te montrer une position, un petit exercice qui peut te permettre de te faire une jolie petite ceinture abdominale avant la plage. La plage et ses bilans en forme de ballottage, rarement favorable. Merci Samir Bouadi. Avec plaisir. Nous sommes en compagnie de Christophe Galfard jusqu'à 18h. Tiens, on va parler tout à l'heure de Philae et de Tchouri. Avant ça, il faudra passer par Guillaume Meurice. Eh ben oui, ça, il n'y a pas le choix. Ça va faire mal, hein, on vous prévient. Jusqu'à 18h sur France Inter. C'est Shamir, Shamir Bouadi, est avec nous aussi, autour de la table. Clara Dupont-Mono, Alex Vizorek, notre invité Christophe Galfard. On va parler avec vous de Tchouri et Philae, parce que cette histoire nous passionne. On va voir la vraie explication. Comme le monde entier. Surtout qu'on n'y pige rien. Et puis, vous avez à vos côtés un individu que vous connaissez un petit peu, je pense, Guillaume Meurice, que vous avez fréquenté sur cette antenne. Que je salue. Oui. Et alors, c'est son moment, et c'est le moment qui dépote sur France Inter. Eh bien, écoutez, oui, je me suis rendu ce matin à l'inauguration du salon de l'aéronautique du Bourget. Il y avait plein d'avions, par exemple des Falcon. Vous me voyez venir? Non. François Hollande a dit que la polémique était close. Et c'est vrai que c'est toujours pratique de clôturer soi-même des polémiques qui nous emmerdent. Essayez chez vous, hein. Par exemple, si votre gamin a tenté d'introduire sa flûte à bec dans son prof de musique ou des cutters dans son prof de philo, au conseil de discipline, vous dites, écoutez, non, j'ai décidé de clôturer la polémique. Voilà, il n'y aura plus de soucis. Si ça marche pas, c'est que vous avez encore moins de charisme que François Hollande. Et il ne vous reste plus qu'à vous suicider en vous introduisant des flûtes à bec ou des cutters où bon vous semble. Autre polémique que nous avons connue ces derniers mois, les drones. Et au Bourget, il y en avait plein, dont bien sûr des militaires, notamment un qui s'appelle le Patroller, drone de fabrication française. Vendu à qui ? Il n'est pas encore vendu, mais son grand frère qui était le Sperver. Le Sperver, vous dites ? Le Sperver, c'est ça. Qui a choisi le nom ? C'était en fait notre premier client était hollandais. Et donc nous avons fait l'honneur à notre premier client de lui donner un nom qui correspondait à ses desiderata. Alors attendez, ça veut dire que là, si vous le vendez à un monsieur Laverge, ça va s'appeler Laverge ? Là, le nom du patrouilleur est définitif, il s'appellera Patrouilleur. Et jamais Patrouilleur Laverge. Non, jamais Patrouilleur Laverge. C'est dommage, vu qu'il est souvent piloté par des glands, hein, qui ne prennent même plus le risque de se rendre sur les zones de conflit, mais qui larguent des bombes en appuyant sur un bouton d'ordinateur à 10 000 km de distance, peinard. D'ailleurs, dans tout ado avachi sur le canapé toute la journée, jouant à Mario Kart, il y a un général des armées en devenir. Hein. Ne le dérangez pas, il s'entraîne à tirer avec des carapaces de tortue. Bon, il y a aussi des avions militaires plus classiques au Salon du Bourget, avec des gros missiles en dessous. Allons voir un concepteur de support de bombes. Les trois bombes intelligentes 2ASM de SAGEM. Des bombes intelligentes, vous dites ? Voilà, bombes intelligentes. C'est quoi la différence entre une bombe intelligente et une bombe bête ? Et une bombe lisse. Disons que la bombe est intelligente et va aller sur sa cible de manière automatique. La bombe intelligente tue plus de personnes. Voilà, exactement. Bon, et une bombe lisse, c'est quoi ? Une bombe lisse, c'est les bombes comme vous aviez il y a quelques années, et que vous avez toujours d'ailleurs. C'est la bombe où vous y avez vu, si vous voulez. Donc là, il y a moyen de se planter. Voilà, là, il y a quand même moyen de se planter. Et je vous rappelle qu'elles sont toujours opérationnelles, hein, pour vous rassurer. La bombe bête nécessite donc que le pilote soit lui-même intelligent. Et je vous rappelle qu'on parle d'un militaire, hein, donc ça paraît compliqué. Allons d'ailleurs discuter avec un pilote de Rafale. Je pense que c'est un avion qui a fait ses preuves aujourd'hui avec l'engagement opérationnel. Depuis la Libye, en passant par l'Afghanistan avant, puis aujourd'hui l'Irak et l'Afrique. Donc c'est finalement les terroristes qui ont permis au monde entier de découvrir les capacités du Rafale. C'est un peu compliqué là. Voilà. Ah oui, voilà, j'avais oublié pas trop de questions compliquées, mais en tuant pour la 15e fois en 10 ans Mokhtar Belmokhtar, les Américains ont peut-être éliminé le principal représentant de commerce du Rafale, le Pierre Belmar du missile, la Annie Pujol de la torpille. Une torpille, c'est justement ce qu'il y avait sous un hélicoptère de combat. C'est le seul armement qui permet d'assurer la neutralisation d'un sous-marin. Mais alors, en ce moment, la guerre, elle est contre le terrorisme. Vous pensez vraiment que les terroristes vont avoir des sous-marins ? Alors déjà, ça, on ne le sait pas. Un sous-marin, ça peut être un énorme sous-marin nucléaire. Ça peut être aussi des tout petits sous-marins de poche. Et oui. Donc si les frères Kouachi avaient attaqué la rédaction de Charlie Hebdo en sous-marin de poche, on aurait eu les moyens de les neutraliser grâce à la torpille. Malheureusement, ils ont préféré une Citroën C3, hein, contre laquelle on ne peut malheureusement rien du tout. S'ils avaient utilisé un avion, on aurait eu les moyens de les neutraliser aussi, car on trouve au Salon du Bourget des engins lance-missile sol-air. C'est moi qui le mets en œuvre. C'est pas moi qui tire malheureusement, mais c'est moi qui le mets en œuvre. Comment ça malheureusement ? On aime toujours la finalité en fait du truc, mais bon. Vous aimez bien tirer sur des avions ? Non. Ah bah vous venez de dire si. Si c'est nécessaire. Eh oui, cartonner un avion avec un missile, ça fait partie des petits plaisirs simples du militaire. Alors en entendant mes questions, un membre du ministère de la Défense s'est approché pour faire cesser l'interview discrètement. Du coup, je l'ai interrogé. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les armes que l'on vend aujourd'hui se retournent contre nous ? Tout ce qui est matériel d'exportation, ça fait l'objet d'un contrôle du gouvernement et ça fait l'objet aussi d'un compte-rendu qui est donné au niveau du Parlement. Hey, mais nos amis d'aujourd'hui seront peut-être nos ennemis de demain, c'est ça que je veux dire. C'est un problème politique. Ah bah non, parce que c'est nous qui serons en dessous des bombes. Peut-être. Ah bah c'est tout l'effet que ça vous fait ? Je pense que la seule réponse qu'on peut vous donner ici sur ce stand, c'est qu'effectivement le rapport parlementaire donne l'état de ce que l'on vend à qui et ce que l'on... Donc la seule réponse que vous pouvez nous donner, c'est qu'il faut faire confiance aux parlementaires. Je n'irai pas plus loin. Non, ben de toute façon, on est tout à fait rassurés, puisque nous avons entièrement confiance en nos parlementaires pour prendre des décisions qui vont dans l'intérêt commun. Et puis si vous êtes vraiment très très inquiet, je vous rappelle que François Hollande a le bouton de l'arme atomique. Hein, le gars qui se fait gauler en scooter et décroissant est en capacité de déclencher une guerre nucléaire. Voilà, on est rassurés, je vous dis. Et ben justement, François Hollande, je l'ai croisé ce matin. Et j'ai tenté avec lui de déclôturer la polémique. Monsieur Hollande, est-ce que vous allez aller au stand des Falcons ? Ah, je vais aller où on va m'emmener, je vous le promets. Mais pourquoi vous posez cette question ? Peut-être pour faire un petit cadeau à votre Premier ministre. Mais vous savez, c'est un très bon appareil. Ah bah, donc, il manquerait plus qu'il soit pourri, dis donc. Que je salue. En tout cas, il permet d'expérimenter le domaine où les hommes politiques sont le plus à l'aise quand il s'agit de se déplacer et quand il s'agit d'argent public, le vol. Merci Guillaume Meurice. Donc dans votre carrière, courte carrière de reporter, ça y est, vous avez eu le président de la République au micro. Ça y est, on a eu tout. On a eu Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui manque ? Nadine Morano et François Hollande. Bah, je pense que là, c'est complet. C'est bon, bah voilà. Très belle année. Là-dessus. Merci. Très belle année. Au revoir Guillaume. Merci Guillaume Meurice. On est en compagnie de Christophe Galfard jusqu'à 18h. Il publie L'univers à portée de main chez Flammarion. Et on passe l'actualité à l'essoreuse avec à la technique Mehdi Fatah, Julien Chabassu, à la réalisation Joseph Carballona, à la préparation Claire-Sophie Collet et Nathalie Romero. Le deuxième sujet que nous avons préparé, le robot Philae s'est réveillé sur la comète Tchoury. On ne sait pas quelle tronche a Tchoury au réveil, mais enfin, Philae est là. Après une cabriole sur la comète il y a 7 mois, il est tombé dans le coma, il revit, il va pouvoir se remettre à travailler, à renvoyer des informations, car le robot est bien pratique, il sait tout faire. Il hache la viande, les oignons, le persil, il coupe les concombres, il râpe les carottes, le chou rouge. Avec son bol mixeur, il fait les jus de fruits, les potages, robot majeur compact Moulinex et son bol mixeur. La solution est dans l'univers, vous dit Christophe Galfard, à portée de main. Oui, alors le contact a duré 85 secondes, mais plus de 300 paquets de données ont été récupérés et analysés. Alors, c'est vraiment une saga, cette histoire de Tchoury, de Philae. On suit ça comme un véritable feuilleton avec des rebondissements. Et c'est un feuilleton qui est suivi au niveau mondial. Alors vous, évidemment, vous êtes en plein là-dedans. Est-ce que l'engouement qu'on ressent à travers la presse, et que vous, j'imagine, vous ressentez aussi en tant que docteur en physique théorique, est-ce que c'est vraiment un engouement global et quelque chose d'absolument extra à ce niveau-là ? Je pense pour les scientifiques, c'est 100 fois pire que pour la presse, là, pour le coup, parce qu'il y a 10 ans de travail derrière pour les équipes qui ont travaillé là-dessus. Mais juste un petit mot, une petite parenthèse. C'est quand même vachement plus sympa des nouvelles comme ça que des nouvelles sur Puto, par exemple. Il y a quand même quelque chose de pour qui. Il y en a qui s'amusent plus. Maintenant, on sait qu'il y a des poils qui ont été renvoyés pour problème de pour défaut. Bah oui, si, bah si. Et puis les questions de robots. Il y a des questions de robots. Dans les deux cas. Même si on est dans l'espace comme ça, il y a quelque chose de on ressent quelque chose en tant qu'humain, je pense, dans ces aventures qui se passent au-dessus de nos têtes, qui est assez agréable. Mais c'est marrant parce que le petit robot Moulinex, quelque part, c'est un petit peu ça qui fait le Philae là, qui s'est posé sur cette comète et qui vient de se réveiller. Une des expériences qu'il n'a pas pu faire parce que ça a un petit peu foiré la dernière fois, c'est de réussir à creuser, à forer dans le sol de la comète. Pour essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a effectivement une sorte de petit four à l'intérieur qui va faire chauffer ce qu'il a cueilli, d'une certaine manière, pour essayer de découvrir quelle est la composition de ces comètes. Alors, il y a presque une forme de télé-réalité pour scientifiques, parce qu'on a pu... voir tous les bons, les petits bons de cabri qu'a fait le robot sur Tchoury. Parce que quand il est arrivé, il a rebondi, il a fait effectivement des cabrioles avec... Comme Jean-Édouard, Exactement, voilà. Et on a pu constituer ces petits bons, etc. Et il y a vraiment une forme ce côté télé-réalité qui nous passionne et où on humanise aussi, parce qu'on parle de Tchoury de Philae comme si c'était... Des copains. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, c'est nos copains qu'on a envoyés là-bas pour faire un travail à notre place d'une certaine manière, et personne ne savait si elle allait se réveiller ou non. Oui, sans compter qu'en plus l'intitulé Philae s'est réveillé sur Tchoury, il y a un côté lendemain de cuite. Il y a un côté nuit d'ivresse quand même. Un côté télé-réalité. Oui, c'est vrai. Et ça permet aussi encore d'ouvrir des portes, peut-être de semer des petites graines pour les vocations des jeunes, parce que c'est ce que vous cherchez à faire aussi dans vos ouvrages, Christophe Galfard, où vous expliquez très très bien les choses, vous vulgarisez. L'univers à portée de main chez Flammarion, c'est aussi quelque chose pour attirer les jeunes vers la vocation scientifique. Les jeunes et les moins jeunes, parce que la connaissance actuelle du grand public, disons, par rapport à notre univers, par rapport au cosmos, d'une certaine manière, elle date un peu. Pour à peu près 250 ans. D'une certaine manière, ce que le grand public a comme connaissance acquise correspond à ce que nos sens peuvent voir. Le soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Non, ça va, c'est horrible. C'est ce que nos sens peuvent voir. Nos sens, ils voient une certaine partie de la réalité, on est adapté pour ça. L'exemple que je donne, c'est que par exemple, il est quand même plus intéressant de voir du jaune, du vert et tout ça, par exemple, lorsqu'il y a un tigre vous attaque, c'est important de le voir pour pouvoir courir et se protéger. C'est pas la peine de voir les rayons X d'une étoile qui se fait manger par un trou noir à l'autre bout de la galaxie. Ce serait très beau, mais c'est moins intéressant que de voir un tigre qui approche. Du coup, mais vous vous faites souvent attaquer par des tigres dans la carte. Justement, nos sens sont arrivés tels qu'ils sont à travers nos ancêtres. Donc il y a une évolution qui a fait qu'on voit une certaine partie de la réalité. Mais aujourd'hui, on arrive à aller beaucoup plus loin, on arrive à aller au-delà de nos sens, on arrive à découvrir un univers qui est beaucoup plus large, beaucoup plus profond, beaucoup plus mystérieux et exaltant d'ailleurs que ce que nos sens nous permettaient de voir et de ce que nos ancêtres savaient. Prenons l'exemple de Philae. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé ce petit vaisseau dans l'espace ? Qu'est-ce qu'il est allé faire ? On sait, en regardant dans l'espace, dans l'univers, qu'on peut voir par endroits l'histoire de planètes comme la nôtre. On voit comment sont nées des planètes à l'autre bout de l'univers et du coup on peut deviner comment la nôtre est née. Et d'une certaine manière, il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil venait de naître, la Terre venait de naître et il y avait tous ces petits cailloux qui traînaient partout, qui sont des vestiges un peu de quelque part de la naissance de notre univers. Les comètes font partie de ces vestiges. Il fait super froid dans l'espace, elles n'ont pas bougé depuis. En se posant dessus, on peut découvrir quelles sont les briques de base des molécules, ce qu'on appelle des molécules, c'est des briques de base collées ensemble qui existaient à cette époque-là. Grâce à ces briques, on peut peut-être... Les Legos, en fait. Les Legos, c'est ce que je dis, voilà. C'est les Legos de la nature, c'est les atomes, les Legos qui se collent ensemble, qui forment des molécules. Certaines molécules donnent la vie. La vie, c'est nous. Elles viennent d'où, ces molécules ? Personne ne sait. On va voir sur les comètes s'il n'y aurait pas des traces de ces molécules qui ont donné la vie sur Terre. On est à la recherche, d'une certaine manière, des traces, des origines de la vie, qui traînent. Il y a forcément des indices un petit peu partout. Si ça se trouve, on va trouver ces indices-là sur Tchouri. Si ça se trouve, c'est sur une autre comète, ce serait pas de bol. Et Philae est un inspecteur qui nous envoie ses fiches de renseignements. Et qui a rebondi, et qui s'est collé contre une falaise, et qui n'était pas au soleil pendant 9 mois, et on savait même pas si elle arriverait à forer. Et maintenant, comme la comète se rapproche du soleil, il y a assez d'énergie pour qu'il puisse envoyer des informations. Puis on se rapproche. C'est passionnant. On boit vos paroles, Christophe Galfard. On peut les boire en les lisant aussi. On ne sait pas si c'est vrai, mais on aime bien. L'univers à portée de main, tout devient simple, c'est vrai. Chez Flammarion avec Christophe Galfard. De livres aussi, il en est question avec. Et d'exploration d'univers. Ah oui, bien sûr. Et oui, puisque l'actualité, Charline, c'est aussi l'anniversaire de Guillaume Meurice. Hein, c'est surtout. Voilà, que je salue. Alors, il a fêté hier, non pas ses 16 ans, comme on pourrait le croire, mais bien ses 44, car Guillaume Meurice appartient à cette catégorie d'hommes dont les femmes sont friandes, soyons honnêtes. C'est-à-dire que son âge mental ne correspond pas toujours à son âge réel. Mais je vous rassure, Guillaume Meurice, c'est la garantie d'une très appréciable fraîcheur. Alors, la littérature... Je suis rassuré. C'est un vent. Vous n'aviez pas attaqué, le vent arrive. La littérature vous rend hommage à sa façon avec un livre sorti en avril. Poupie le chien. Non, non. Choupi va faire ses courses. Non, un livre sorti en avril, très drôle comme vous, et qui s'appelle Les Affalés. Ne le prenez pas mal. C'est signé Michel Serra. Alors, sachez que ce livre s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires en Italie, qu'il a été traduit dans 14 pays, et forcément ça touche les gens, puisqu'il s'agit quoi ? Eh bien d'adolescence. Alors il se trouve que Michel Serra, lui, c'est le père d'un ado, et il raconte son fils qui devient un peu un extraterrestre, justement, Christophe, sous ses yeux. Je suis pas un extraterrestre. Non, je sais bien, mais vous vous intéressez à l'univers. Donc il faut bien reconnaître aussi que dans le portrait que Michel Serra trace de son ado, il y a certaines similitudes avec l'homme occidental en général et Guillaume Meurice en particulier. Par exemple, au hasard, le rapport à l'autorité. Tout un poème. En parlant de son fils, Michel Serra écrit « Autorité, deux points. Autour de ce mot, j'organise depuis que tu es né des rencontres solennelles et totalement inutiles. » Ce qui vous va comme un gant, Guillaume Meurice, puisqu'en général, au mot « patron, directeur, dirigeant, règles, consignes et obligations », vous partez en courant. Et c'est pas demain d'ailleurs que vous serez marié. Alors, il y a quelque chose aussi d'assez joli. Il y a aussi quelque chose d'assez joli, c'est qu'à un moment, Michel Serra demande à son fils, il trouve que son fils a bonne mine. Alors il lui dit, mais comment se fait-il que tu sois si bronzé comme ça ? Et son fils répond, j'ai été bronzé sur le toit de l'école. tout seul. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous auriez pu dire, mais c'est voilà. Vrai, c'est et vrai, voilà. Que j'ai fait. Et puis, cet ado est souvent, je cite, un peu absent comme impénétrable. Et là aussi, c'est un peu vous, Guillaume Meurice. Petit côté Iron Man, hein, le côté j'avance avec mon micro à la main et rien ne perfore la cuirasse de mon cœur. Alors, au-delà des ressemblances avec Guillaume Meurice, truc lunaire. Mais c'est parce que j'ai l'impression d'être transparent. C'est un livre, non, c'est un livre très touchant aussi parce qu'il raconte le désarroi d'un parent face à son adolescent. Et il faut bien reconnaître qu'à un moment, quand même, l'adolescent, il lui arrive de dépasser le parent. Tout de suite, nous avons Noémie, 15 ans, qui nous posait une question trop mignonne. Bah, moi, je voulais savoir si on avait des chances de tomber enceinte quand on avalait du sperme. Voilà, bon, alors, vous voyez, vous êtes sur France Inter, restez non, avec nous. C'est vrai, et d'ailleurs, il y a un moment qui est très drôle, mais tous les parents d'ados vont reconnaître. Il y a un moment très drôle où Michel Seurat regarde son fils qui est allongé sur le canapé, parmi les emballages de pizza. Il est 14h, hein, il vient de se réveiller. Et alors, de la main droite, l'ado pianote sur son téléphone. De la gauche, il zappe la télé, évidemment, avec le volume à fond. Et bien sûr, il a des écouteurs dans l'oreille branchés sur l'iPod. Et devant l'air effaré de son père, l'ado lui sort. Bah, c'est l'évolution de l'espèce, la phrase que j'adore et qu'on a certainement tous prononcée. Alors déjà, le principe de l'adolescent héros de roman, c'est intéressant parce qu'il a fallu attendre le 20e siècle, ce qui est quand même très tard, pour que la littérature s'attarde enfin sur l'adolescent en tant que personnage spécifique. Et le sommet littéraire reste L'attrape-cœur de Salinger. Je ne sais pas, Christophe, si vous l'avez lu. C'est, ça reste quand même une performance incroyable. Il opine du chef. Voilà, mais oui, bon, parce que ça raconte en fait la fugue d'un enfant alors qu'à 13 ans, dans les bas-fonds de la ville comme ça. Et sans doute, ça dit si bien la notion de perte qui va souvent avec l'adolescence. Parce que mine de rien, l'adolescence, c'est pas confortable. Hein. Rappelez-vous, c'est le grand écart. C'est-à-dire qu'on a un pied dans l'enfance, l'autre dans l'âge adulte. Et donc, forcément, ça tiraille, c'est inconfortable. Et on frôle, évidemment, la ligature des... Comment on dit là, la déchirure des ligaments. Voilà. Merci, Guillaume. Pas la ligature des trompes. D'accord. C'est ça. Non. Vous êtes pire que l'autre qui a téléphoné. Bah non, mais je... Et puis même, mais regardez physiquement, Charline. On se cherche un peu. Souvenons-nous de nous, adolescents, à 16 ans. Charline a eu sa période motarde, Catwoman tout en cuir, elle était déjà en scooter, Vizorek errait autour des Franprix avec une crête rose et des chiens, son père en parle encore, et Guillaume Meurice portait un jogging patte de bœuf, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, voilà. Je confirme. Une tunique péruvienne et les cheveux gras, ça c'est toujours vrai. Non, et cette errance physique et morale, elle a laissé les parents un peu désarmés. Donc je vous annonce, Guillaume Meurice, que vous avez bien évolué. Bon anniversaire. Merci. Et donc, pour votre anniversaire, achetez-vous, parce que je ne le ferai pas, Les Affalés de Michel Serra, c'est paru chez Flammarion. Merci Clara Dupont-Monod. Toutes les références, bien sûr, sur la page de notre émission sur franceinter.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Christophe Galfard. Troisième sujet avec vous. Attention. La France a inventé la fête de la musique, grâce à Jack. Mais les Suisses font encore plus fort, ils ont inscrit l'enseignement et la pratique de la musique dans la Constitution, une mesure qui permet d'éviter certains désastres. Écoute, hein, écoute bien. Pas mal. T'as reconnu ? Quoi ? T'as pas reconnu la chanson, là ? Ah non, non, non. T'as pas reconnu ? Non, non, pas... C'était full sentimental d'Alain Souchon. Écoute, regarde. Full sentimental, c'est pas mal ça, hein? Attiré par les flammes de voile, sous le sentimental, un soif idéal. Un gars, une fille. L'idée des Suisses, c'est que l'étude et la pratique de la musique développent des compétences utiles pour, in fine, développer aussi la compétitivité. Il n'y a pas de secret en Suisse. Le pipeau, en l'occurrence. Mais à la direction de l'éducation de l'OCDE, on cite volontiers Igor Stravinsky qui dit « La musique, c'est un peu comme la pensée mathématique et les rapports mathématiques. » Alors, est-ce que dans votre domaine, l'astrophysique, Christophe Galfard, est-ce qu'on a besoin de créativité et que, cette, par exemple, cette éducation, cette pratique à la musique, vous voyez ça d'un bon œil ? Alors, il y a deux questions par rapport à la créativité, oui. Oui, même des fois, il y a la réponse dedans. Mais après, vous prenez ce que vous voulez. Par rapport à la créativité, évidemment, dès qu'on se retrouve dans de la recherche, quelle qu'elle soit, la recherche commence là où on ne sait plus ce qui se passe, par définition. Donc, si on n'a pas un peu d'imagination, voire beaucoup, ben, on ne va pas très loin. Les chercheurs sont des gens qui ont une imagination hallucinante. Ils commencent leur travail là où personne n'a aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi pas la musique comme moyen d'y arriver ? Moi, je suis tout à fait comme moyen aussi mathématique. Il y a un peu de mathématiques dans la musique. Il y a un petit peu de mathématiques. Évidemment, ouais. On peut toujours déchiffrer toute musique par des mathématiques derrière. On peut même essayer de faire des équations qui font des chansons qui marchent. L'intuition est quand même prime, je trouve. Pour aller plus loin, il y a un article dans le Figaro, économie. Eh oui, parce que c'était dans les pages éco. Et au moment où on s'écharpe en France sur les cours de morale ou la suppression du latin, eh bien en Suisse, hop, c'est passé comme dans du beurre. N'est pas à l'abri d'une victoire votation suisse à l'Eurovision. Voilà, effectivement. Allez, deuxième revue de presse en notre compagnie. Win, yes. What do you want me to go back? Needs no to win. No, there's no problem. News au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Again, no. Alex, vous avez voulu me faire plaisir. Oui. Comme j'adore ça, on commence par un jeu. Un jeu. Alors, je vous fais écouter un son et vous me dites où ça se passe. Attention, c'est violent. Laissez-moi au porte-parole. Ça, c'est le midi à la cantine de Radio France. C'est dans un tribunal que ça se passe. C'est Clara, non ? C'était vendredi au tribunal de Nanterre et c'est une journaliste de l'AFP interpellée pour avoir mordu un policier. Elle suivait Jean-Marie Le Pen qui rentrait justement dans le tribunal. Et c'est important, ça, pour les écoles de journalisme, n'enseignez plus les rédactions de Dépêche, enseignez la dentisterie directement, ce sera plus utile pour rentrer dans un grand média. Oui, merci pour le jeu, passons au factuel, Alex. Oui. Selon un sondage BVA publié hier, le FN n'inspire pas confiance à 75% des Français. Quant aux 25% restants, il ne vaut mieux pas leur faire confiance. C'est ça, et passons à deux petites infos pour des gens autour de la table. J'ai choisi la première, c'est pour Guillaume Meurice. Ah. Zaya pose nue pour une campagne pro-végétarienne. Oui, c'est une belle campagne où on voit son corps nu avec écrit le nom des morceaux, comme sur un animal. Et il paraîtrait que le cochon bébé est très touché par cette démarche et compte lui rendre l'appareil en posant nu pour une campagne contre la prostitution. Et une dernière info, elle est pour Christophe Galfard. Espace, à 15 ans, il découvre une nouvelle planète. C'était en 2013 et ça a été confirmé aujourd'hui. Il était à ton troisième jour de stage, donc vous allez vous dégonfler le melon. Merci Alex Vizorek. Christophe Galfard, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'univers à portée de main. C'est publié chez Flammarion. L'univers en quoi ? Écoutez, il est à portée de main en quelques 420 pages, donc la promesse est tenue. Merci d'être resté avec nous. Merci Clara Dupont-Mono, Samir Bouadi, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. On va se retrouver demain avec Caroline Loeb et en attendant, le mot de la fin à la mairie de Puteaux. Et nous vous offrons également un classeur de pins TF1 que vous pouvez aussi gagner sur Minitel, 3615 TF1 ou par téléphone au 36 65 90 00.